ça gèle quand même tous les hivers. Ouais, mais pas fort. Vous voulez les voir toutes d'un coup? Non. Elles sont mignonnes, hein? Monte là. Caroline et Bertrand travaillent ensemble dans leur ferme à Cazavet. Ils élèvent des bovins de race Angus, en bio. Ils présentent les différentes améliorations qu'ils ont faites sur la ferme pour l'adapter à leur pratique et gagner du temps pour la famille. Donc nous, depuis qu'on est arrivé en 3 ans, on a eu beaucoup de remises en état des toitures. Du délire, là, pas bâtiments. De gouttières, des trous partout. Là, par exemple, le bâtiment à foin qui est derrière, il est un peu en contrebas dans la pente. Donc là, on a remis la gouttière comme il faut. On récupère l'eau de la route. Donc moi au début, j'étais toute seule. Bertrand, ça fait un an qu'il m'a rejoint. On avait gardé son job à temps plein à Toulouse, puis après à mi-temps. Et en fait, moi, je me suis retrouvée avec des galères de foin à bouger à la main parce qu'on n'avait pas de tracteur. En fait, l'eau, elle ruisselait sur la route et elle traversait le hangar à foin. Donc le prédécesseur, il avait des palettes, tout ça. Nous, on a décidé de faire un caniveau. Donc ça nous a pris un peu de sous, un peu de temps. Et maintenant, ben, on sort l'eau et on peut mettre le foin sur des bâches tranquillement par terre et ça se passe bien comme ça. Mais c'est plein de petites choses qu'on met à notre sauce pour qui nous prennent du temps pour l'instant et pour gagner en suivant, quoi. Donc il y a eu les toitures, il y a eu les gouttières, les clôtures. Les portes où le tracteur passait pas, la porte du couloir d'alimentation pour pas rentrer en tracteur parce que la porte était trop petite, parce qu'il y avait une marche. Donc c'est pas grand chose des fois, mais nous on fait des millions de petits trucs au quotidien pour qu'on ait de moins en moins de travail qui serve à rien. Là du coup, bah, maintenant t'arrives, t'ouvres ta porte, tu rentres. C'est des petites bêtises, quoi. Il n'y avait pas de couloir de contention. Les cornadis, ça faisait du bruit, ça nous embêtait. Puis comme on peut toutes les manipuler, on a supprimé les cornadis. Le fumier arrive dans un silo. Du coup, ben, il n'y a pas de problème d'adventice dans les prés. Nous, quand on est arrivé, il y avait du rumex partout. En 3 ans, sans qu'on ait franchement fait vraiment grand-chose. Non, juste pas mettre le fumier dehors. Ça s'est supprimé. C'est très propre du coup quand on cure, parce que c'est collé à la stabu. C'est très rapide à faire, c'est très rapide à vider aussi. Ensuite, on s'est installé à un bon atelier parce qu'on bricole beaucoup et c'est génial. T'arrives, t'as besoin de faire un truc, tu prends un panier, tu mets ce que t'as besoin dedans, tu vas faire ton activité, tu reviens. Et en fait, on fait plein de choses pour simplifier la vie au quotidien. On a mis des flotteurs sur des bacs à eau, c'est rien, c'est 30 balles sur un bac à eau. Mais tu viens juste vérifier, tu ne prends pas ton tracteur, tu ne le remplis pas en te disant « Merde, j'ai oublié la tonne à eau, ça a coulé pendant 2 heures. » Tu as toujours l'eau, voilà. Et là, notre projet de cette année, c'est de continuer le réseau pour qu'il y ait l'eau dans l'intégralité des parcs. Là, pour l'instant, on a 8 bacs avec flotteurs, il nous en faudrait plus parce qu'on fonctionne sur du pâturage tournant. En fait, là, vous avez vu la maison, nous, on est en ovale autour et en fait, les bêtes tournent. Et du coup, on traverse 2 fois la route quasiment. Et après, bon, maintenant, il faut qu'on fasse gaffe un petit peu parce qu'elles connaissent vachement bien les parcours. Donc des fois, on court un petit peu. Mais sinon, ça simplifie beaucoup de choses, quoi. Et puis après, la gestion en homéopathique et allopathique est vraiment intéressante. Moi, je vois par exemple, une fois, je suis arrivée en retard à un CA, j'étais en panique complète, j'avais un veau qui était comme ça, avec un énorme bidou. Laurent, il m'a dit « Non, tu paniques pas. » Agathe m'a dit « Tu paniques pas. Tu mets un tuyau un peu plus fin que l'arrosage, un peu plus souple. Tu vas voir, elle va mâchonner, ça va s'avaler. » Et réellement, ça marche. Une fois que c'est rentré, bah, le gaz sort. Et ensuite, tu fais une mixture avec du bicarbonate de soude, avec de l'huile, avec du miel pour de la levure, ensemencer. Et en fait, tu t'envoies ça avec beaucoup d'eau. Et effectivement, une fois que l'air est sorti, tu re-rentres tout ça. Oui. Qui est bio, ouais. Plus ou moins, qui est naturel, plus ou moins. C'est des recettes de grand-mère. Et ça fonctionne bien. Et ça ne coûte rien en vétérinaire. Ce n'est pas stressant pour l'animal parce que c'est vous qui le soignez directement. Et ce n'est pas des produits dégueulasses pour l'environnement et notre santé. Et ça se passe bien. En fait, nous, on aime bien notre recherche, c'est de la simplicité. Ah oui. Simplicité naturelle, mais pour se simplifier la vie et justement avoir une vie. Autre que je galère parce que je suis dans la merde tout le temps. Voilà. Monka. Hey, aujourd'hui, on arrive à avoir une vie qui est quand même chouette. Là, c'est l'espace de jeu pour nos enfants. Qu'on aménage. Bon, au départ, il n'y avait pas tout ça, quoi. Ça, c'est tout que de la récup. C'est les trucs de foin pour les rambardes, c'est de la dosse en bas. Et en fait, du coup, ça nous permet de passer beaucoup de temps avec nos enfants. On a des talkie-walkie, on se répartit les tâches. Des fois, c'est Bertrand qui reste avec les filles. Il joue, moi, je vais bosser. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, on est tous les quatre ensemble. Et en fait, nous, ce qu'on privilégie, c'est qu'on se dit qu'on a fait des enfants et qu'on veut en profiter le plus possible parce qu'ils vont grandir méga vite. Et du coup, on a envoyé très fort au départ pour avoir une ferme qui soit le plus fonctionnel, le plus pratique, le plus optimisé possible, je dirais, pour que maintenant, on puisse se poser et vraiment prendre le temps de vivre ensemble. Et en fait, ouais, nous, notre envie dans le mieux vivre sur la ferme, c'est vraiment d'avoir du temps, quoi. Et même quand on reçoit du monde, qu'on a des copains, des choses comme ça, c'est vrai que bah, les enfants, ils s'amusent vraiment beaucoup ici, ensemble. Et on a aussi des moments entre adultes, entre copains, qu'on a perdu, nous, au début de l'exploitation, où tu es tout le temps en train de bosser et tes copains, ils ne te voient plus. Tu te demandes ce qui t'arrive, tu as une tête d'enterrement parce que tu es crevé, parce qu'il y a trop de choses à gérer. Et en fait, nous, on voulait faciliter notre quotidien dans tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur tout ce qu'on a fait. C'était pour arriver à un stade où on pouvait prendre du recul et avoir le temps de vivre les moments, en fait.